bon vieux coup de calme, un bon vieux KJF. Pas ni sentiment, bien qui sentiment. Un bon vieux coup de calme, un bon vieux KJF. Pas ni sentiment, bien qui sentiment. Clac, clac, clac, clac, clac, en jouaille. Clac, clac, clac, clac, clac, KJF. Clac, clac, clac, clac, clac, en jouaille. Clac, clac, clac, clac, clac, KJF. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, elle aime ça, on fait comme ça. La copine est très coquine, fait ça et ni bon vitamine. Jouer un pito la consiste, c'était un bouton à platine. Démanger un truc en pote, sauce brune. Laisse pas qu'à coquer qu'on les autres, c'est ça et dit. Laissez-moi frapper, fais ça qu'on claque à Will Smith. Chant là au cas si c'est mort et bah on 10 sur 10. Hein? Oups, ça coule, oui. Je deviens ma boule. Oups, ça coule, oui. Je deviens ma boule. Le coup de calme, on bon vieux KJF. Pas ni sentiment, bien qui sentiment. On bon vieux coup de calme, on bon vieux KJF. Pas ni sentiment, bien qui sentiment. Clac, clac, clac, clac, clac, en jouaille. Clac, clac, clac, clac, clac, KJF. Clac, clac, clac, clac, clac, en jouaille. Clac, clac, clac, clac, clac. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait ça comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait ça comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait ça comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait ça comme ça. Fesse, fesse, fesse, fesse, fesse. J'aime bien comment tu t'abaisses. Pas ni robin, pas ni stress. Je pilote, je tiens tes 13, 13, 13, 13, 13. Coucou, non, l'or, café de l'eau. Coup de rein pour le boulot, on fait monter ta libido. Ah oui, baby girl, à la chocolatine. Bonsoir les malpropres à la chocolatine. Oui baby girl à la chocolatine. Bonsoir les malpropres à la chocolatine. On bon vieux coup de calme, on bon vieux KJF. Pas ni sentiment, bien qui sentiment. On bon vieux coup de calme, on bon vieux KJF. Pas ni sentiment, bien qui sentiment. Clac, clac, clac, clac, clac, en jouaille. Clac, clac, clac, clac, clac, KJF. Clac, clac, clac, clac, clac, en jouaille. Clac, clac, clac, clac, clac, KJF. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait ça comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait ça comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait ça comme ça. Elle aime ça et j'aime ça, on aime ça, on fait ça comme ça.